Alors, de retour à Futur Simple, c'est Jean-Daniel Doucet au micro. Le mode de vie de l'homme a beaucoup changé au cours de son histoire. L'homme a évolué génétiquement et s'est adapté à son mode de vie actuel. Et Marie-Claude Dionne va nous expliquer comment l'évolution de l'ossature humaine peut témoigner de ce phénomène. Alors, bonjour Marie-Claude. Bonjour Jean-Daniel. Alors, l'homme a certainement changé son physique en comparaison de ses ancêtres. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, on peut le constater. Quoique, aujourd'hui, on est peut-être en moyenne plus pesant puis plus bedonnant que les hominidés du passé. Certains d'entre nous, certains, effectivement. Les hominidés étaient quand même assez massifs du fait de leur squelette qui était plus solide que les nôtres. Et c'est ce qui est sorti comme recherche il n'y a pas très longtemps dans le Proceedings of the National Academy of Sciences. Les squelettes humains modernes ont changé tout récemment, selon une façon de parler, bien entendu, vers des corps plus légers et plus fragiles. Et tout a commencé lorsqu'on a adopté l'agriculture il y a à peu près 12 000 ans. Donc, on s'est en quelque sorte ramolli, si on veut, avec l'apparition de l'agriculture. Est-ce que c'est en raison du changement de régime alimentaire ou du changement de rythme de vie? C'est sûr que le régime a été modifié, donc ça a changé un peu notre corps, mais c'est surtout le changement des activités qui a affecté le plus le corps humain, ou du moins ses os, ce que je parle aujourd'hui. Parce que dans un style de vie nomade, les os sont constamment sous une contrainte, sous un stress, soit par la marche, la course ou juste le fait de soulever des objets pesants et lourds, ce qui a amené à avoir des os avec plus de calcium à l'intérieur et donc les rendant plus forts. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins actifs. Exactement. Et ça, c'est sûr que c'est un fait que les scientifiques connaissaient depuis de belles lurettes. Le squelette de l'homme moderne était plus long et plus mince et généralement donc plus faible que celui de ses prédécesseurs hominidés, mais personne ne savait vraiment ce qui avait été le moteur de cette gracilité-là. Mmh. Des études antérieures avaient suggéré que la marche mettait plus de pression sur les os à devenir longs et minces, tandis que d'autres ont fait valoir que la diminution des activités physiques ou même le changement dans le régime alimentaire aurait été derrière ces changements. On a même aussi questionné le rôle de l'urbanisation qui est arrivée plus tard, ou même de la domestication du cheval. Et quel type d'analyse a été utilisé pour en savoir davantage sur le lien entre l'agriculture et la robustesse du squelette? Comment on essaie de débroussailler tout ça? Pour voir ça, dans un premier temps, il y a une analyse de localisation qui est faite, à savoir la corrélation ou la correspondance, la situation géographique ou la localisation versus le type d'os qu'on retrouve sur ce lieu-là, soit qu'il soit gracile ou robuste, en prenant des échantillons d'un peu partout, mais aussi qui correspondaient à des diverses périodes historiques et préhistoriques. On pouvait déterminer à quel moment on retrouvait cette transition-là d'os robuste à gracile et la corréler avec l'utilisation des lieux, soit une ville urbaine ou une occupation passagère ou voir l'agriculture aussi. Les échantillons comprennent des os de jambes et de bras, probablement pour leur prédisposition à se préserver super bien avec le temps, mais aussi parce qu'ils révèlent bien la forme générale du corps humain. De cette première analyse-là, les chercheurs du Johns Hopkins University School of Medicine se sont aperçus que les os des premiers Européens devenaient de plus en plus fragiles au fil du temps qu'ils développaient l'agriculture et s'installaient dans un mode de vie plus sédentaire. Donc, les endroits où on retrouvait des fermes, par exemple, les eaux étaient moins denses que ce qu'on retrouvait dans les endroits où les gens, on peut supposer, étaient nomades, par exactement, exemple. Exactement, tout à fait. Et l'impact était vraiment pas pareil si on se retrouvait dans une habitation en ville ou si c'était une habitation qui était liée à d'autres types de styles de vie. Mm-hmm. Les chercheurs se sont ensuite penchés, pour mieux comprendre tout ce phénomène-là, sur la partie de l'os qu'on appelle trabéculaire. Il s'agit de la partie... Est-ce que tu connais ça? Non, mais je sens que tu vas nous le définir, oui, Marie-Claude. Tout à fait. Il s'agit de la partie qu'on trouve notamment dans les os longs comme le fémur, qui est formée de petites tiges, où en fait, ça ressemble pas mal à une éponge. Ah. Et ça constitue 20% du squelette, donc on en trouve quand même relativement beaucoup. Et il s'agit d'une grande surface de contact et aussi sensible aux variations métaboliques. Ah, donc à ce qu'on mange, si on veut. Exactement. Et là, aujourd'hui, on sait que l'humain a une densité inférieure de l'os trabéculaire que celui de ses ancêtres. Mais autant que l'os trabéculaire répond aux variations métaboliques, autant qu'il va aussi répondre ou qu'il est vulnérable aux contraintes mécaniques du corps humain. Et grâce à la tomodensitométrie ou le CT scan, les chercheurs ont regardé ces ossements-là de... En fait, ils ont utilisé les ossements de mains, autant de primates que d'humains, pour voir si on pouvait distinguer par la façon dont les espèces se déplaçaient une certaine différence. On pourrait bien sûr avancer que l'orang-outan qui grimpe va avoir une structure différente du chimpanzé qui va se promener sur ses jointures. C'est ce qui va s'avérer quand même être assez proche de la réalité. On va voir que la main humaine a une allure complètement différente de celle de ses proches ancêtres primates. Alors là, tu nous parles un peu des os des primates versus ceux des humains. Quelle est la différence entre ces deux types d'os-là? En fait, la main humaine contient beaucoup plus d'air, donc elle a moins d'os, que celle des différents primates étudiés. Et le groupe de chercheurs s'est ensuite mis à regarder d'autres parties du corps pour déterminer si le phénomène était partout à travers le corps humain. Donc, ils ont procédé avec une autre étude plus exhaustive encore, où ils ont fait des numérisations de coupes transversales de 7 os provenant de membres supérieurs et inférieurs de plusieurs espèces. On a des chimpanzés, des babouins, l'orang-outans, mais aussi des spécimens humains modernes et préhistoriques. On a le Néandertal, le Paranthropus robus et l'Australopithèque africanus. Et en comparant toute cette densité-là de cet échantillonnage-là osseux, on s'aperçoit que l'homme moderne a une densité trabéculaire qui joue entre 50 à 70 % de moins que les autres espèces. Donc, c'est assez large, enfin une grosse différence avec celle des primates. Des primates qui bougent encore beaucoup sont très actifs physiquement aussi, j'imagine. Exactement. Et là, on se demande à quel moment cette densité-là a commencé à baisser dans l'arbre phylogénétique de l'homme. Mm-hmm. Mais l'équipe de recherche a trouvé que les premiers Homo sapiens avaient quand même une bonne densité trabéculaire et ça va jusqu'au Pléistocène tardif ou le début de l'Holocène, justement au moment où les hommes vont changer drastiquement le style de vie, ce qui confirme ce que je disais plus tôt. Okay. On devient plus sédentaire, donc moins actif. Et la réduction d'activité physique n'a pu que changer le squelette pour qu'il soit un peu plus léger, donc moins robuste. Mais il n'y a pas quand même d'autres facteurs autres que la densité osseuse qui auraient pu être utilisés dans cette étude-là aussi? Là? Oui. Pour cause, en fait, on ne parle pas de l'épaisseur de l'os, on ne parle pas de son volume ou même de sa surface, parce que parfois en surface, on peut avoir des traces de muscles aussi, de la musculature de l'homme là, qui peuvent révéler bien d'autres choses parce que pour avoir une bonne musculature, on a besoin aussi de gros os pour les soutenir, je suppose. Exactement. On pourrait même se demander où se trouvent les sociétés d'aujourd'hui qui pratiquent encore la chasse et la cueillette, parce que probablement que ces personnes-là ont aussi une structure squelettique qui vont se densifier comparé à l'homme, disons, qui est très, très sédentaire aujourd'hui. Oui. Et même si on ne peut pas aujourd'hui exclure les facteurs génétiques ou l'alimentation, même la maladie, l'étude souligne que l'activité physique est quand même un facteur très déterminant derrière les changements qu'on peut voir dans les squelettes. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire, par exemple, c'est que les changements peuvent se produire sur un court laps de temps, donc à l'échelle d'une vie humaine. Fait que si on se met à travailler dur en activité, ben on pourrait densifier. Ah oui, OK. Donc les gens qui sont très sportifs, on peut supposer qu'ils ont des os plus denses, peut-être. Exactement. Les athlètes sont denses et nous, on est très... On est plus mous. On est mous. Cela est quand même assez important là, pour ceux, d'ailleurs, qui sont dans des environnements très industrialisés où on passe notre temps assis à la maison ou même au travail. Et en plus, avec l'ostéoporose qui touche une grande partie de la population, c'est sûr que si on se décide de se livrer à un niveau d'activité physique plus élevé, mais ça pourrait juste nous faire du bien pour notre santé et nos os. Et peut-être qu'on devrait changer plutôt nos activités et ne pas plutôt primer les paléos, les diètes paléos. Oui. Parce que je ne crois pas que c'est pas tant ça qui fait du bien, mais peut-être plus l'activité physique au final qu'on a besoin de changer. D'accord. Alors, ça revient un peu à ce qu'on entend souvent. Alors, faisons du sport pour améliorer notre état de santé. C'est la clé. Merci beaucoup, Marie-Claude. On passe maintenant en pause publicitaire sur les ondes de CKRL 89.1.